C'est fondamental pour les musulmans, donc, d'avoir un certain niveau de développement, hein, et d'avancement pour être capable justement de se passer de ce qui vient des autres et d'être capable d'être indépendant sur ce plan-là. Parce que si ton ennemi, c'est lui qui te fabrique tes armes, et si ton ennemi, c'est lui qui te procure tes armes, alors qu'est-ce que vous pouvez imaginer et qu'est-ce que vous pouvez penser de ces armes-là? C'est évident qu'ils ne vont pas vous donner les armes qui vont vous permettre de les égaler, hein, ou de les dépasser même. Ils vont toujours essayer de vous donner des armes qui vont être, disons, vous permettre peut-être d'avoir un certain niveau de force, mais ils vont toujours essayer de vous limiter. Et ça, c'est ce qui se passe actuellement, parce que les musulmans sont dans cette situation de faiblesse. Donc, le cheikh, c'est ça qu'il est en train d'expliquer, et on parlait au dernier cours des paroles de l'imam Ahmad à ce sujet-là, et on va revenir un petit peu là-dessus aussi par la suite. Donc, le cheikh, il a dit, لذلك القاعدة العامة أن لا نتشبه بالكفار لا في عاداتهم ولا في عادة ولا في لا في عباداتهم ولا في عاداتهم الخاصة بهم لدرجة أنه لو وجد عندنا سلاح فتاك يكفي لصد الأعداء والدفاع عن أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن لا نستعمل سلاح الكفار لأننا لسنا بحاجة إليه فكيف بغير ذلك من الأمور. Donc, on a expliqué au dernier cours que si par contre on utilise les armes des koufas, c'est pas interdit. C'est juste que le cheikh, il explique que si on est capable d'avoir nos propres affaires, c'est mieux. Hein? Si nos armes sont aussi efficaces ou plus, dans ce cas-là, on peut se passer de ce que les koufas possèdent. Il dit ولكن كما ذكرنا فقد صار المستصار عند كثير من المسلمين هو تقليد ما عليه الكفار. Dit, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on voit maintenant, qu'est-ce qui est devenu la règle chez beaucoup de musulmans, c'est qu'il faut imiter les koufars. C'est même pas une question, c'est même pas une chose qui se pose, hein, comme question. Est-ce qu'on devrait imiter les koufars ou non? C'est systématiquement, oui, il faut imiter les koufars. C'est comme obligatoire pour eux. Et donc, tout ce qu'ils font sur le plan économique, politique, social, c'est toujours basé sur le modèle, qu'est-ce que les koufars font. Hein? Et c'est comme si on veut arriver à se développer et à devenir plus fort et plus puissant, il faut absolument les imiter. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est systématiquement obligatoire que ce soit de leur façon et il faut que ce soit selon leur modèle? Il n'y a pas d'autre modèle? Hein? Les premiers musulmans, ils n'ont pas pensé comme ça. Les premiers musulmans, ils n'ont pas dit il faut imiter l'Empire romain pour avoir le pouvoir. Il faut imiter la Perse, les Perses, pour arriver à un pouvoir. Il faut avoir la même chose que eux et faire la même chose qu'eux pour arriver à ce qu'on veut. Non. Ils ont été indépendants dans leur façon de penser, indépendants dans leur façon de voir les choses, parce qu'ils se basaient sur leur religion, sur leurs principes, sur leurs croyances et sur les règles de l'islam, et c'est là-dessus qu'ils se sont basés. Ils ne se sont pas attachés à un modèle parmi le modèle des mécréants et des koufars pour établir leur façon de vivre et leur façon de s'habiller, leur façon de penser, leur façon de parler et ainsi de suite. Toutefois, aujourd'hui, c'est ça qu'on constate. Et le cheikh, il dit « فَتَرَهُمْ يَتَسَابَقُونَ إِلَى ذَلِكَ كأنهم يشعرون أن الإسلام فيه ضعف. Donc ils se concurrencent, hein, ils se font la course, hein, dans le suivi de l'imitation des koufars, comme si ils donnent même l'impression qu'il y a une faiblesse dans l'islam, dans leur façon d'agir. C'est-à-dire que les musulmans, ils vont pas dire l'islam il est faible avec leur bouche, mais dans leur façon de se comporter, dans leur façon d'agir, c'est comme s'ils donnaient cette impression-là au kuffar même, hein, et que l'islam il est déficient, wa annahu naqis wa laysa bikamil. Donc il dit wa hadha amrun khatirun jarra al-muslimina ila adh-dhillati wal-istijda wa ka'annahum kama wasafahum al-kuffar أمة متخلفة أو أمة نامية، فمما يؤسف أن يقال فمما يؤسف له أن يقال عن المسلمين أنهم أمة نامية، مع ما في هذه الكلمة من معنى النقص والتخلف عن ركب الأمم المتقدمة. Donc le cheikh il dit, ça c'est une chose dangereuse qui amène les musulmans à l'humiliation et à vouloir toujours demander des autres et à obtenir des autres. Comme les kuffars les ont décrits comme étant des peuples, ou qu'ils disent des musulmans et de la umma des musulmans, que c'est une nation qui est retardée, qui est en retard, qui est sous-développée, ou bien qui est en voie de développement, comme ils disent. Et c'est triste qu'on dise à propos de la nation des musulmans qu'ils sont une nation en développement. Il dit, c'est une parole, c'est une expression qui inspire la faiblesse et le retard, comme si on était en retard vis-à-vis des peuples civilisés et des peuples évolués. Donc, le cheikh dit, وَمَا حَصَلَ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ صَارُوا أَتْبَاعًا لِلْكُفَّارِ. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont dit que l'expression, qu'est-ce qu'on dit parfois, le tiers-mondisme, le tiers-monde. Eh bien, à la base, c'est une façon de penser, c'est une mentalité, le tiers-mondisme. Et ça veut dire que pourquoi tu fais partie du tiers-monde ou pourquoi tu es un tiers-mondiste, c'est pas parce que tu n'as pas les mêmes moyens que l'Occident. On a les mêmes moyens que les Occidentaux, on a toutes les richesses, on a toutes les ressources, on a tout ce qu'il nous faut, on a les cerveaux, c'est pas ça qui nous manque, même que nos cerveaux vont faire avancer leurs universités, donc c'est pas ça qui nous manque. Le tiers-mondisme, comme certains l'ont expliqué, c'est en réalité dans la mentalité des musulmans qui pensent qu'ils sont obligés absolument, pour avancer, de copier l'Occident. Et c'est pour ça que si on se met dans cette mentalité-là et dans cette pensée-là, c'est là qu'on devient des tiers-mondistes. Mais du moment qu'on commence à penser par nous-mêmes et qu'on commence à voir le monde selon notre façon de voir, selon notre religion, on se libère de ce modèle-là. On n'est plus tiers-mondiste dans ce cas-là. Mais tant qu'on garde cette mentalité, et c'est ça que le cheikh il dit ici, il dit وَمَا حَصَلَ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ صَارُوا أَتْبَاعًا لِلْكُفَّارِ. Il dit, cette chose-là n'est pas arrivée excepté parce que les musulmans sont devenus les suiveurs des kuffars. Ils sont devenus les suiveurs des kuffars. يتلقفون منهم الثقافة وكل شيء. C'est-à-dire, ils recherchent d'eux la culture et toute chose. وتعطيل العمل بشرائع الإسلام مع ما فيه من المنافع والاكتفاء بمجرد الانتساب إليه أو العمل ببعض شرائعه من باب العادات تقريبا. يعني فبلغ الأمر بالمسلمين ما بلغ الآن. حتى صاروا آلة على الكفار يقودونهم ويتحكمون فيهم ومن لم يرضى عن الكفار فإنه يكون ناقصا لا قيمة له وما كان ذلك إلا بسبب التشبه بهؤلاء القوم والتخلي عما شرعه الله لنا وارتضاه بما فيه من تحقيق مصالحنا في الدنيا والآخرة وديننا هو المتقدم وغيره هو المتأخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بهذا الشرط إن كنتم مؤمنين. Donc le cheikh il dit, donc c'est quand les musulmans sont devenus les suiveurs des kuffars à cause de ça, l'application des principes et des rites de l'islam a été abandonnée alors qu'il y a dedans tous les bienfaits pour nous. Et de se limiter à se dire musulman avec la parole, ou de se limiter à mettre en application seulement certaines parties des rites de l'islam, du point de vue comme des traditions seulement, presque. C'est devenu pour les musulmans, la religion, c'est devenu comme une tradition, pour certains. Et c'est ça que les kuffars, ils veulent en fait. En fait, c'est ça ce que les kuffars, ils veulent en fait. Quand tu vois par exemple qu'ils parlent des musulmans, ils disent « Oh, on n'a rien contre les musulmans. Qu'est-ce qui nous dérange? C'est les islamistes. » Mais quand tu leur demandes c'est quoi un islamiste, eh bien tu vois que c'est différentes définitions qu'ils donnent. Mais en général, c'est ceux qui pratiquent l'islam, même s'ils désignent par le terme islamiste tout et n'importe quoi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils vont désigner les extrémistes, les khawarij, ils vont désigner par ça les hizbiyin et les gens de bid'a, et ils désignent par cela aussi les salafiyin, ceux qui sont accrochés à la sunna. Donc ils mettent tout le monde dans le même paquet, ils les appellent islamistes, et puis ils utilisent les mauvais exemples de ceux qui sont tombés dans l'extrémisme pour les disqualifier ou pour les discréditer, ou pour dire regardez, ceux-là c'est des gens dangereux. Et puis en même temps, étant donné qu'ils mettent tout le monde dans le même paquet, eh bien ils disent ça, ces gens-là on n'en veut pas. Hein, ce qu'on veut, c'est les musulmans traditionnels, hein, les musulmans ordinaires, soi-disant, ceux qui prennent la religion comme une tradition, comme une coutume, hein, et qui ne connaissent pas nécessairement toutes les règles et les principes. C'est comme ils disent en France, les premiers immigrants, les premiers musulmans qui sont venus habiter en France, c'était des ouvriers, des cultivateurs, des gens simples qui n'ont pas fait d'études islamiques, qui n'ont pas fait d'études de religion. Et ils sont arrivés en France, ils ne connaissaient rien, ils ne savaient rien de la religion. Ils ne connaissent que les pratiques les plus connues et les règles les plus connues. Puis ceux parmi eux qui avaient un petit peu plus de niveau, bon, c'était eux qui dirigeaient la prière. Mais ça s'arrêtait là, hein. Et donc ils se disent « Ah, mais c'est l'islam, comme vos parents le pratiquaient, c'est comme ça que vous devez le pratiquer vous aussi. Maintenant, vous ne devez pas changer de ce que vos parents suivaient. Mais est-ce que ce sont eux la référence ? Alors que maintenant, il y a des jeunes qui sont partis étudier la religion, qui sont partis apprendre l'arabe, qui ont étudié le Coran, qui ont étudié le hadith, qui ont étudié le fiqh, hein, l'aqida, la sharia et tous les principes. Et ils reviennent et maintenant ils disent « il faut avancer, il faut apprendre, il faut appliquer d'autres principes aussi que de la religion qu'on a ignoré ou qu'on a négligé. » Et là, ils disent, ah ben ça c'est des islamistes, hein, ça c'est des islamistes, c'est des intégristes ou des choses de ce genre. Tout parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent pas, c'est des musulmans qui regardent la vie, qui regardent le monde avec un regard de musulman, selon les règles de l'islam. C'est ça ce qu'ils veulent pas. Ils veulent que ce soit des musulmans qui sont prêts à les suivre aveuglément et à suivre leur modèle et leur façon de vivre et leur système et leurs idéologies et leurs pensées et à ne pas questionner qu'est-ce qu'ils font. Donc, le cheikh, il dit, c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant aux musulmans? C'est arrivé au point où on le voit actuellement. Il dit même que c'est les musulmans, maintenant, ils sont devenus comme si dans le besoin vis-à-vis des kuffars. C'est comme s'ils sont pauvres devant les kuffars. Et les kuffars, c'est eux qui les tirent, hein, qui les guident et qui les dirigent, qui les contrôlent et qui leur dit, qui décident de leur qu'est-ce qu'ils doivent faire. Vous devez faire ça, vous devez pas faire ça. Hein, faites ci, faites ça. Ils donnent aux pays musulmans des consignes et des ordres. Vous devez appliquer la démocratie dans vos pays, vous devez interdire le voile aux femmes, vous devrez mettre l'égalité entre l'homme et la femme dans tout. Même si ça contredit votre religion, il faut rejeter les aspects de la religion qui contredisent ça, il faut les mettre de côté. Et il faut enlever ou éliminer les savants de votre religion qui vous interdisent de nous suivre. Hein? Il faut les désigner par des termes ou des noms qui vont les stigmatiser, qui vont faire croire aux gens que ces gens-là sont des extrémistes ou des dangereux ou des choses comme ça. Hein? Et ça avance comme ça jusqu'au point où, hein, on voit la situation actuelle. Donc, il dit le cheikh que celui qui n'est pas satisfait des kuffars, c'est comme si il est pas normal, il est déficient, il a aucune valeur. Hein. Toi, tu veux pas suivre les kuffars, t'es fou, hein? T'as un problème. c'est pas normal. C'est les kuffars qui sont nos maîtres, il faut les suivre. Hein. Et ça, c'est uniquement parce que ces gens-là, ils veulent absolument imiter ces gens-là et délaisser et abandonner ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous et ce qu'il a agréé, hein, et ce qu'il a agréé pour nous et qui réalise et qui concrétise nos intérêts réels dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Souvent, les koufars, ils disent, hein, par rapport aux koufars, les koufars entre eux, ils disent, bon, si on donne l'exemple d'ici au Québec, il y a des Québécois qui disent, nous, on veut être indépendant. On veut être indépendant, les Québécois. Et on veut être indépendant du Canada anglais. Parce que eux, ils savent pas nos intérêts. Et ils travaillent pas pour nos intérêts. Et ils veulent pas le bien pour nos intérêts, hein. Ils ont ce genre de discours-là. Et quand tu leur demandes, mais c'est quoi vos intérêts? Et en quoi vos intérêts sont différents de leurs intérêts? Hein. Pourtant, les deux sont des koufars. Les Canadiens anglais sont des koufars, les Québécois sont des koufars. Hein? Les deux, ils ont les mêmes religions, les mêmes croyances. La seule différence, c'est la langue. Hein? Mais il y a aussi l'histoire qui rentre en ligne de compte, puis il y a toutes sortes d'autres choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Mais étant donné qu'ils ont été coupés de leur histoire, d'une partie de leur histoire, parce qu'ils ont rejeté leur religion, maintenant leur discours, il est un petit peu boiteux. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? C'est que eux-mêmes, ils savent pas qu'est-ce qui est bon pour leurs vrais intérêts. Parce qu'ils croient pas en Allah. Donc, ils savent pas où est-ce qu'il est le bien réellement. Ils savent pas pourquoi ils vivent, de toute façon, même pourquoi ils existent. Ils savent pas. Donc, ceux qui savent réellement pourquoi ils vivent et qu'est-ce que c'est leur intérêt dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est les musulmans. Allah, il nous a donné cette religion-là justement pour ça. Et du moment qu'on la suit, on sait qu'on est bien guidé. Et le cheikh, il dit, notre religion, c'est elle qui est évoluée. C'est elle qui est moderne. C'est elle qui est en avant. Et tout ce qui contredit ça, c'est retardé. C'est ça qui est en arrière. Et Allah, il le dit dans le Coran, « وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » Et vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Et le cheikh, il dit, avec la condition que Allah a mis dans cette phrase, « si vous êtes croyants ». Hein? C'est-à-dire, être croyant, ça a des implications, ça a des conditions. Si vous appliquez la religion, si vous appliquez ce qu'implique la foi, c'est ça que ça signifie. Le cheikh il dit ensuite, وَأَمَّا الْعَادَ الْعِبَادَاتِ فَهَذَا مَفْرُغٌ مِنْهُ لَا يَجُوزُ أَن نُقَلِّدَ الْكُفَّارِ فِي عِبَادَاتِهِمْ بِالْإِجْمَعِ لِأَنَّهَا إِمَّا كُفْرٌ وَإِمَّا شِرْكٌ وإما بدع محدثة وإما دين مغير ومبدل ومحرف أو دين منسوخ حتى ولو لم يغير ولم يبدل فإنه كان مؤقتا في وقته وانتهى ونسخ بدين الإسلام هذا محل إجماع وأننا لا نتشبه بهم في العبادات. Il dit, en ce qui concerne l'imitation des koufars dans les adorations, ça c'est réglé déjà, hein, ça c'est compris, qu'il n'est pas permis d'imiter les koufars dans leur façon d'adorer, dans leurs adorations. Ça c'est selon le consensus de la Ummah. Parce que leur religion et leurs adorations sont soit du kufr, de la mécréance, ou du shirk, de l'association, ou des innovations dans la religion, ou une religion qui a été changée et modifiée, falsifiée, ou bien une religion qui a été abrogée. Même si elle n'aurait pas été changée ou falsifiée, elle a été abrogée par l'islam. Et c'était une religion qui était bonne et valable pour un temps spécifique, pour un peuple spécifique. Maintenant, ce temps-là, il est terminé. Et l'islam a abrogé ces religions précédentes. Donc, ces religions ont été abrogées par l'islam, et ça, c'est selon le consensus de la Ummah. Et on n'a pas le droit de les imiter dans l'adoration. Oui, mais les livres précédents ont été abrogés. C'est sûr qu'à leur époque, c'était l'islam qu'ils suivaient, comme Moussa alayhi salam, ils suivaient l'islam. Pourtant, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, il a vu Omar avec une page de l'Ancien Testament, de la Bible, dans sa main, il lui a dit, oh Omar, même si Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas de choix que de me suivre. Donc ça veut dire que c'est abrogé que ce qui a été amené avant. Et même si Isa était là, même si Moussa était là, même si Ibrahim était là, ou n'importe quel autre prophète, il serait dans l'obligation de suivre la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que les livres précédents ont été abrogés par le Coran. Ça, c'est s'ils n'avaient pas été falsifiés en plus. Même s'ils n'avaient pas été falsifiés. Mais maintenant, on sait que ces livres-là ont été falsifiés. Donc, c'est encore plus obligatoire de ne pas les imiter et les suivre. Oui, oui, mais c'est-à-dire que ces religions-là, aujourd'hui, comme le christianisme et le judaïsme, c'est ça qu'on veut dire, en fait. Non, mais c'est-à-dire que, comme le cheikh l'a dit, ces religions-là, elles ont les messages de ces prophètes, c'était le message de l'islam. Mais les charas, les lois et les législations, c'était pas les mêmes. Même si c'était l'islam. Donc, quand on dit des autres religions, on parle en réalité des autres législations aussi. Des autres règles qui ont été changées. C'est dans ce sens-là. Yani. Et ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah a dit « Wa anta tara ammata kalami Ahmad innama yuthbitu al-rukhsa bil-athari an Umar » أو بفعل خالد بن معدان ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب فهذا هو وجه الحجة لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. Donc, il revient maintenant, Cheikh Ibn Taymiyyah, sur les citations qu'il a mentionnées précédemment par rapport à qu'est-ce qu'on a dit au sujet de l'utilisation des armes des kuffars et l'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il avait dit à ce sujet-là. Il a dit qu'il a établi sa parole, l'imam Ahmad, sur la permission en se basant sur la narration de Omar ou de l'action de Khalid ibn Ma'dan. Pour établir que c'est quelque chose qui était fait à l'époque des salafs, hein, et qu'ils étaient d'accord avec cette action-là, et donc ça faisait partie de la voie et de le comportement des musulmans, ou de qu'est-ce que faisaient les musulmans. Ça faisait partie de la guidance des musulmans, non de la guidance des mouchriquines et des kuffars et des gens du livre. Donc c'était ça sa preuve du fait que ça faisait partie de la voie des musulmans. Non pas que c'était juste l'action de Khalid ibn Ma'dan. Hein, c'était pas ça, c'était pas parce que lui seulement l'a fait que c'était une preuve. C'était parce que ça fait partie de la voie des musulmans que c'était utilisé comme preuve. Donc en voulant dire, le fait que ça contredise la voie des kuffars et des juifs et des chrétiens, ça c'est la preuve que ça fait partie de l'islam. Cheikh Al-Fawzan, il dit, كان الإمام أحمد رحمه الله لا يفتي بفتوى إلا إذا سبقه من أفتى بها من السلف ولا يستقل بفتوى لأنه يخاف من الخطأ فهو يريد أن يتبع من سبقه ويهتدي بهديه. Donc le cheikh dit, l'imam Ahmad رحمه الله, il voulait pas faire une fatwa de lui-même sans que quelqu'un l'ait précédé dans cette fatwa. Donc l'imam Ahmad, il cherchait parmi les paroles des salafs qui avant lui l'avait précédé dans cette question-là. Puis il faisait la fatwa selon ce qu'il trouvait de la parole et des positions des salafs. Il ne voulait pas prendre une position indépendante des salafs parce qu'il craignait l'erreur. Alors il voulait suivre celui qui l'avait précédé et suivre son exemple et sa guidance. Il dit « وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ أُصُولِ أَحْمَدٍ » رحمه الله وهذا من ورعه واحتياطه أنه لا يستجد فتوى يفتي بها لم يسبق إليها لهذا كان رحمه الله حريصا على هدي السلف في هذا الأصل وهو مسألة ما فيه التشبه وما ليس فيه تشبه. Donc il dit que ça fait partie même des fondements connus de l'imam Ahmad. Hein? Et ça fait partie de sa piété, de sa réserve dans la religion. Il prenait des précautions et il faisait des efforts pour trouver une fatwa d'un parmi les salafs qui l'avaient précédé à cette opinion ou à cette position-là. Donc c'est pour ça qu'il faisait beaucoup d'efforts pour connaître la, la voie des salafs, et parce que c'était un de ses fondements, c'était un fondement pour lui. Et donc surtout dans la question ici de l'imitation, qu'est-ce qui est une imitation et qu'est-ce qui n'est pas une imitation. Et il dit wa innama kana rahimahullah ya'tamidu fi fatwahu wa aqwalihi 'ala as-salaf wa 'ala aqwal as-sahabati in wajada shay'an min dhalik aw aqwal at-tabi'in aw aqwal man sabaqahu min al, min a'immat al-fiqh فكان يقول بقولهم ما وجد إلى ذلك سبيلا فإذا لم يجد شيئا فإنه يتوقف احتياطا وهذا يدل على ثباته على الأصل وعلى عدم اندفاعه في استجدات أو استحداث الأشياء التي لم يكن فيها هادي سابق من منهج من منهج المسلمين. Donc il dit qu'il se basait uniquement sur les fatwas et les paroles des salaf, de ceux qui l'avaient précédé. Parmi les paroles des sahaba, s'il trouvait une parole des sahaba, hein, et sinon une parole des tabi'in, des élèves des sahaba, ou sinon ceux qui l'ont précédé parmi les ulama du fiqh et les imams du fiqh. Donc s'il trouvait une de leurs paroles sur un sujet ou sur une question quelconque, eh bien il se basait sur ça. Puis s'il ne trouvait pas, il s'abstenait. S'il ne trouvait pas, il s'abstenait. Et ça, ça prouve qu'il restait ferme sur ce principe-là. Et qu'il ne se précipitait pas, ou bien il ne rentrait pas dans des questions où il ne trouvait pas quelque chose précédent. Donc, s'il ne trouvait pas quelque chose qui indiquait que la voie des musulmans c'était autre chose, il ne rentrait pas. Ensuite, le cheikh dit « Wa amma » ما في هذا الباب. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وأما ما في هذا الباب عن سائر الأئمة عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فأكثر من أن يمكن ذكر عشره وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين. Donc le Cheikh il dit en ce qui concerne dans cette question, dans ce chapitre, parce qu'on a vu qu'il a mentionné la question de l'ijma et les preuves de l'ijma, le consensus. Et il a mentionné à ce sujet-là les paroles des sahaba, après des tabi'in, après des tabi'in. Après, il a mentionné les paroles des imams des madahib, hein, et les fuqaha de ces madahib. D'accord? Et donc, il dit, après avoir mentionné ça, il dit, ça c'est juste, hein, il dit, il y en a beaucoup plus que ça. Il dit, ce que j'ai mentionné, c'est rien, c'est juste une partie. Il dit, ce qui existe comme parole sur cette question, c'est beaucoup plus que, c'est-à-dire, il dit, même le dixième de ces paroles-là, je peux même pas le mentionner tellement c'est beaucoup. Donc il dit, j'ai juste mentionné un petit exemple de leur position et de leur parole. Il dit, ce qu'on a mentionné en mentionnant les hadiths, eh bien, ça indique la parole des autres aussi. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, وَذَكَرَ أَنَّ الْأَصْلَ الثَّالِثِ مِنْ أُصُولِ الْإِجْمَاعِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَذَكَرَ ما جاء عن الصحابة وعن الأئمة الأربعة ثم بين أنه ليس غرضه يعني ليس غرضه حصر ما جاء عن السلف وإنما غرضه سياق أمثلة على هذا الباب لإثبات القاعدة وما ذكره من كلام بعضهم يدل على كلام بقيتهم لأنه ليس الغرض الاستقصاء وإنما الغرض إثبات الأمثلة التي تدل على القاعدة. Donc le cheikh il reformule un peu qu'est-ce que Cheikh l'Islam a mentionné. Il dit en ce qui concerne cette troisième preuve, parce que au début du livre il a cité les preuves du Coran, après il a mentionné les preuves de la Sunna, après il a mentionné les preuves de l'ijma, et là on est encore dans cette section là, et il a mentionné, comme je vous ai dit, les paroles des sahaba, hein, des quatre imams. Et donc le but, il dit, c'était pas de tout rassembler, de tout ramener les paroles des salafs, non, c'est ramener certains exemples qui indiquent les règles, hein, la règle qu'il est interdit d'imiter les kuffars. C'était juste ça le but. Il dit, ce qu'il a ramené comme parole à propos de certains d'entre eux, ça prouve et ça indique la parole et la position des autres également. Il dit, parce que le but, c'est pas de tout citer, mais juste d'établir la règle. Après, il dit, وَبِدُونِ مَا ذَكَرْنَاهُ يُعْلَمُ الْإِجْمَاعُ يُعْلَمُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَالْأَعَاجِمِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ إِمَّا لِاعْتِقَادِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَدْيِ الْكُفَّارِ أَوْ لِاعْتِقَادٍ أَنَّ فِيهِ دَلِيلًا رَاجِحًا أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ. Donc il dit, et même avec moins que ce qu'on a mentionné, on peut savoir que l'ijma, le consensus de la Ummah à ce sujet-là, hein, il est établi, hein, et que le fait d'imiter les kuffars, c'est quelque chose qui est interdit. Que ce soit les gens du livre ou autres parmi les kuffars et les mushrikin en général. Et il dit que même si certains parmi eux ont divergé parfois sur certaines questions reliées à cette affaire, soit parce qu'ils croyaient que c'était pas une chose en particulier, c'était pas une imitation des kuffars, ou bien parce que certains ont cru qu'il y avait une preuve plus convaincante ou plus lourde par rapport à une position quelconque ou autre chose de ce genre. Et il dit, وهذا اختصار لما سبق من أن الغرض تقرير القاعدة في منع التشبه بالكفار وأن هذا أمر مجمع عليه عند المسلمين وإن اختلفوا في بعض الفروع فهو مجمع عليه في الأصل وإن اختلفوا في بعض التفاصيل إما لأنه ليس هناك دليل يمنع من هذا الشيء أو لأن هذا الشيء فيه دليل راجح يدل على جوازه أو غير ذلك فهذا لا يخرم القاعدة وهي إجماعهم على تحريم التشبه بالكفار إجمالا. Donc le cheikh il dit, ça c'est pour résumer ce qu'il a dit précédemment sur le fait que le but c'est d'établir la règle, hein, qu'il est interdit d'imiter les kuffars, et que ça c'est une chose sur laquelle les musulmans sont tous d'accord, il y a un consensus là-dessus, même s'ils ont divergé sur certaines questions certaines questions singulières par rapport à ce sujet-là. Et comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc c'est ça que le cheikh dit. Ben des fois, peut-être qu'il y a une règle. C'est possible que dans certains des exemples, il y a des contradictions ou pas des contradictions, mais il y a des choses qui contredisent cette règle. Mais la règle, la base, elle est établie. Hein, le fondement de base il est établi, et cette base là c'est quoi? Qu'il est interdit d'imiter les kuffars. Et quand il y a des divergences ou quand il y a des désaccords sur certains éléments qui sont reliés à cette question là, c'est parfois parce qu'ils ont divergé sur certains détails, hein, sur certains détails, soit parce qu'ils ont considéré que la preuve n'empêchait pas ou n'interdisait pas telle ou telle chose, ou parce que il considérait que la preuve qui le permettait était plus forte que celle qui l'interdisait, et que ça indiquait la permission de le faire, ou autre raison pour laquelle ils ont divergé. Mais ça ne brise pas, ça ne dérange pas la règle de base, qu'il est interdit, hein, et qu'ils sont tous d'accord sur l'interdiction d'imiter les kuffars de façon générale. Il dit وَكَمَا أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى اتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِنَوْعِ تَأْوِيلٍ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. Il dit de même qu'ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut suivre le Coran et la Sunna, même si parfois ils ont divergé dans quelque chose à cause d'une interprétation ou d'une façon de comprendre certaines choses. Wallahu a'lam. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus. Ouais, on va finir avec ça. il dit وقوله كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة أي مجمعون إجماعا قطعيا على وجوب اتباع الكتاب والسنة مع أنهم قد يختلفون في بعض المسائل لعذر من الأعذار عندهم وقد بين هذا الشيخ رحمه الله وقد بين هذا الشيخ رحمه الله وبسطه في رسالته المشهورة العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام فقد ذكر فيها بيان الأعذار التي يعذر فيها المخالف فمنها كونه لم يبلغه الدليل الذي مع مخالفه أو أنه بلغه هذا الدليل ولم يصح عنده أو أنه يصح عنده ولكن رأى فيه وجها آخر لأن الدليل محتمل فأخذ منه محملا آخر أو رأى مثلا أن هذا الدليل منسوخ وغير ذلك من الأعذار ولكن من تبين له الدليل فلا يجوز له أن يأخذ بقول من خالفه كائنا من كان وهذه قاعدة مجمع عليها عند الأئمة donc le cheikh il explique que tous les savants sont d'accord sur le fait qu'il faut suivre le Coran et la Sunna et ça c'est un consensus définitif hein, et certain qu'il est obligatoire de suivre le Coran et la Sunna malgré que certains peuvent diverger parfois sur certaines questions et ils ont une excuse quand ils divergent et le cheikh il explique que le cheikh Ibn Taymiyyah il a écrit un livre sur ce sujet là les raisons et les excuses des imams dans leur divergence pourquoi ils ont divergé parfois et le titre de ce livre c'est Raf'ul Malam an al-a'immatil a'lam c'est-à-dire de retirer le blâme à nos imams, les grands imams. Oui, raf al-malam, al-malam c'est le blâme. Donc, pour dire que les imams, ils ont parfois divergé, mais il y a des raisons pour lesquelles ils ont divergé. Et le cheikh, il donne des exemples pourquoi. Par exemple, il dit que c'est possible qu'un imam, par exemple, il a divergé avec un autre parce que la preuve de l'autre ne lui est pas parvenue. Donc lui, il n'a pas connu le hadith que l'autre imam a connu. Donc il a jugé selon ce que lui, il savait. Et là, à cause de ça, il a divergé avec l'autre. Ou bien parfois, il dit, le dalil, la preuve, elle lui est parvenue. Mais elle lui est parvenue d'une voix qui n'était pas authentique. Donc il ne l'a pas accepté. Donc il a jugé selon son propre point de vue, hein, une opinion différente en se basant sur d'autres preuves, puisque lui, il n'avait pas accès à cette preuve qui était authentique chez l'autre, mais chez lui, elle n'était pas authentique. Ou bien, c'était authentique, malgré tout, il a compris d'une autre façon. Hein? Parce que la preuve, elle avait plusieurs implications, ou plusieurs façons qu'elle pouvait être comprise, et lui, il a pris une façon, et l'autre a pris une autre. Ou bien, c'est possible qu'elle était authentique, mais qu'il l'a considérée comme étant abrogée par rapport à une autre preuve. Hein? Et ça, ça fait partie des exemples que Ibn Taymiyyah a mentionné comme excuse pour ces imams-là, pourquoi ils ont divergé. Et quand on comprend les causes et les raisons des divergences des ulama, eh bien ça nous aide par la suite à comprendre comment justement ils ont agi les uns avec les autres face à ces divergences-là et comment nous-mêmes on doit gérer ça. C'est pour ça qu'il dit par la suite que une fois qu'on a compris une preuve hein, et que la preuve nous est arrivée, il n'est pas permis pour nous de prendre la position ou la parole de quelqu'un qui a contredit cette preuve, peu importe qui il est. Donc si par exemple, tu as vu que deux savants ont divergé, et tu as su la preuve de celui-ci, et l'autre, tu as vu que sa preuve, elle est faible, ou bien il n'a pas de preuve pour déterminer, pour supporter sa position. Donc une fois que tu as connu la preuve de l'autre, tu n'as pas le droit par la suite de dire « Bon, ben dans ce cas-là, moi, je vais suivre l'autre, même s'il n'a pas de preuves, parce que c'est un savant et je respecte sa position, donc je vais le suivre malgré tout. » Non, tu n'as pas le droit parce que tu as su la preuve maintenant. Et c'est la preuve qui est obligatoire de suivre et non pas le savant. Le savant, il peut se tromper. Le savant, il peut ignorer quelque chose. Il peut oublier. Il peut faire des erreurs. Tandis que la preuve, elle est claire. Donc, tu dois la suivre. Et si tu dis, non, je vais me baser sur ce savant-là, même s'il n'a pas de preuve, mais c'est un savant, donc je vais le suivre, et tu laisses de côté la preuve, alors là, dans ce cas-là, tu es dans l'erreur. Hein? Et le cheikh il dit وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرِقَ هَذِهِ الْقَاعِدَ. Il dit ça c'est une règle que tu n'as pas le droit de délaisser la preuve une fois que la preuve t'est parvenue, même si elle a été contredite par des savants et des grands imams. Ça c'est une règle dans la religion. Il dit وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرِقَ هَذِهِ الْقَاعِدَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا فيخالف الدليل لأجل قول أحد من الناس كائنا من كان. Il dit le cheikh, on n'a pas le droit de briser cette règle sur laquelle tous les savants sont d'accord, hein, et de contredire la preuve pour la parole de quiconque parmi les hommes, peu importe qui il est. Et ça, c'est tous les imams qui ont dit ça. L'imam Abu Hanifa, il l'a dit. L'imam Shafi'i, Malik, il l'a dit. Shafi'i, il l'a dit. Ahmad, il l'a dit. Tous les autres imams d'Ahl Sunnah, ils ont tous dit ça. Si vous voyez que ma parole contredit la preuve, laissez ma parole et suivez la preuve. Ils ont tous établi cette règle-là. Et on va terminer avec ceci. Le cheikh il dit إذا كان الإمام أحمد رحمه الله على جلالة قدره وتبحره في العلم وسعة اطلاعه على الأدلة لا يفتي إلا بما سبق إلا وإن أفتى به إمام قبله أو ما لم يسبق فيه فإنه يتوقف فيه تورعا فهل قائل ذلك أعرف من الإمام أحمد والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي فهل يريد قائل هذا القول أن يلغي قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وهم الأئمة الخلفاء الراشدين فضلا عن عامة الصحابة فيصر على الأخذ برأي من دونهم وإذا نظرنا إلى مستوى هذا القائل من العلم ومقارنته بعلم الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة وجدنا أنه ليس عنده من العلم ما يبلغ عشر معشار ما عندهم. Donc c'est ça, le cheikh il explique, il dit que l'imam Ahmed avec son degré, hein, avec sa connaissance, hein, de la science, sa science était comme vaste, très vaste, il connaissait les preuves. Malgré ça, il ne faisait pas de fatwa, excepté par rapport à ceux qui l'ont devancé, hein, et qui ont une opinion par rapport à cette question-là avant lui, parmi les imams. Et si ce n'était pas le cas, s'il ne trouvait pas quelqu'un qui l'avait précédé dans cette question, il ne devançait pas, il s'abstenait de parler par piété, par crainte d'Allah. Et donc est-ce que la personne qui contredit donc cette position là cette règle là il sait mieux que l'imam Ahmad, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont précédé, les premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc, Allah, il nous dit dans le verset qu'il est satisfait d'eux. Hein? Il est satisfait de nos salafs. Donc, si on veut être sur le droit chemin, on doit suivre ceux que Allah nous a dit qu'il est satisfait d'eux, qu'on est certain que eux, parce que, à part les sahaba, qui peut prétendre ou qui peut déclarer que Allah est satisfait de lui? À part les sahaba, qui peut prétendre aujourd'hui que Allah est satisfait de lui et de ce qu'il fait? C'est seulement les sahaba qui peuvent dire ça. Et c'est pour ça qu'on dit, hein, que de suivre les salafs, c'est une obligation. Hein, de suivre les sahaba, c'est une obligation. Et de suivre aussi, surtout, leur compréhension et leur méthodologie. Et c'est ça qui nous sauve en réalité. Parce que si tu vois tous ceux qui ont contredit la compréhension des sahaba, c'est eux qui ont dévié. Et le cheikh, il cite aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs, droit et bien guidé après moi. » Donc ça veut dire que dans le fait de suivre les khulafa rachidin, il y a une guidance. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de les suivre, Il nous a dit de suivre sa sunna et leur sunna. Donc ça veut dire que dans le fait de suivre leur sunna, ça veut dire leur compréhension, leur méthodologie, leur façon de comprendre les textes. Hein? Et les sahaba, quand ils divergeaient entre eux, hein, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils agissaient? Est-ce qu'ils disaient, ben ok, chacun fait ce qu'il veut? Non, ils ramenaient au Coran et à la sunna. Et ils tranchaient par rapport à ce qu'ils trouvaient comme étant la vérité. Et ils laissaient la parole qui était contraire. Donc, il dit, est-ce qu'ils veulent, ces gens-là, qu'on délaisse la position de Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum, hein, et la position des imams parmi les khulafa al-Rashidin, et yani, sans parler du reste des sahaba, et qu'on prenne sa position, qui est en dessous de leur position. Il dit, si on regarde le niveau de la personne qui dit ce genre de choses, et qu'on compare cette personne et sa science à la science de l'imam Ahmad et l'imam Shafi'i et l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, on trouve que cette personne elle a rien de même pas un dixième du niveau de science de ces imams là. Alors qui mérite mieux d'être suivi, hein? Donc c'est pour dire que il faut pas contredire cette règle là. Donc on a complété cette section à propos de l'ijma'. Hein? Et là maintenant la section suivante, maintenant le cheikh il va parler de l'imitation, du fait de ne pas imiter, parmi les éléments qui fait partie de ne pas imiter ou de contredire les kuffars, il y a le fait de contredire les diables, hein, les shayatins. Il va donner des exemples de ça. Il dit wa mimma, ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفي لفظ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورواه مسلم أيضا عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. Donc il dit que parmi le fait de, yani, parmi les choses qui sont semblables à l'ordre de contredire les kuffars, il y a l'ordre de contredire les shayatins, les diables. Et il dit qu'il a été ordonné, il a été rapporté plutôt par l'imam muslim dans son sahih, selon Omar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne mangez pas, que l'un d'entre vous ne mange pas avec sa main droite, que l'un d'entre vous ne mange pas avec sa main gauche et qu'il ne boit pas avec sa main gauche, car le shaitan, il mange avec sa gauche et il boit avec sa gauche. Et dans une autre narration semblable à ça, lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il mange avec sa droite, et lorsqu'il boit, qu'il boit avec sa droite, car le shaitan mange avec sa gauche et il boit avec sa gauche. Et rapporté également par Muslim selon Al-Layth et Abi Zubayr et Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne mangez pas avec la gauche car le shaitan mange avec la gauche, hein? Et Cheikh Al-Fawzan il dit ولما فارغ من ذكر وجوب مخالفة غير المسلمين على اختلاف طبقاتهم من يهود ونصارى ومجوس ومشركين ووثنيين وملاحدة وفلاسفة وغير ذلك ذكر أنه جاءت الأدلة أيضا بوجوب مخالفة الشيطان والمراد بالشيطان المارد من الجن لأن لفظ الشيطان يطلق على كل متمرد عن أمر الله سبحانه وتعالى فهو شيطان سواء كان من الجن أو من الإنس أو كان من الدواب. Donc le cheikh il dit, lorsqu'il a terminé de mentionner l'obligation de contredire les non-musulmans, les non-musulmans parmi les différentes catégories comme juifs ou chrétiens, ou majus, ou mushrikin, hein, idolâtres, ou athaniyin, ou athées, ou philosophes, ou autres, il a mentionné par la suite les preuves de l'obligation de contredire le diable. Et par le diable, par le shaitan, on veut dire tous les djinns qui s'opposent à l'ordre d'Allah. Parce que le mot shaitan, en arabe, c'est un mot qui signifie tout ce qui s'oppose et qui contredit l'ordre d'Allah. Donc on peut dire d'un djinn que c'est un shaitan, on peut dire d'un être humain que c'est un shaitan, et on peut dire d'un animal que c'est un shaitan, lorsqu'il s'oppose à l'ordre d'Allah et au commandement d'Allah. ولكن المراد بالشيطان هنا الشيطان الأكبر ورأس الشياطين وهو إبليس. Il dit, mais par contre, celui qui est désigné ici dans le hadith, c'est le grand shaitan, c'est-à-dire la tête des diables, la tête des shayatin, et c'est Iblis. وَيَشْمَلُ هَذَا كُلُّ شَيْطَانٍ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَوْ مِنْ بَنِي آدَمٍ. Et ça inclut également tout shaitan autre parmi les descendants de Iblis ou parmi les fils d'Adam. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بها وذلك لأن الشيطان يأكل بشماله فإذا أكلت بشمالك تكون قد تشبهت بالشيطان وهذا من صنيع الكفار فهم يأكلون بشمالهم ويكتبون بشمالهم ويتناولون بشمالهم لأنهم أتباع الشيطان وعلى المسلم أن يتجنب هذا الشيء فيحرص على أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويقدم كل مستطاب بيمينه ويتناول كل مستكره بشماله من إزالة الأذى والتنظيف ونحو ذلك مما هو مستكره ومستقذر امتثالا لما طلب الشارع منه لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي أرادها له. Donc le cheikh dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc interdit de manger avec la gauche, de boire avec la gauche, parce que c'est le shaitan qui fait ça, c'est le shaitan qui mange et qui boit avec sa gauche, et lorsque tu manges avec ta gauche, eh bien tu imites le shaitan. Et ça fait partie des actions des koufars aussi. Parce que les koufars, ils mangent avec la droite et la gauche. Hein? Et même des fois, ils mangent en même temps avec les deux mains. Allah musta'an. Il y a des gens qui sont gauchistes, ils ne peuvent pas manger avec. Tu sais, ceux qui sont gauchers, souvent c'est parce qu'ils ont pris l'habitude à l'enfance. C'est pour ça que lorsque, par exemple, tu constates que ton enfant, il a l'habitude d'utiliser sa gauche, de commencer tout de suite à le forcer à utiliser sa droite. Et parmi les gens, parfois, il y en a, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attachaient la main de l'enfant, la main gauche, derrière le dos, pour qu'il soit obligé de toujours manger avec la main droite et faire tout avec la main droite. Une fois qu'il est devenu habitué à utiliser toujours la droite, il va devenir droitier. Hein? De même qu'on dit qu'il y a les bons boxeurs, hein, c'est des gauchers, ils disent que ceux qui font, même si la boxe c'est pas permis dans l'islam, mais c'est juste un exemple que je donne. Il y en a qui savent que pour être un bon boxeur, il faut être gaucher. Ils apprennent à développer leur gauche pour devenir gaucher. Si tu peux développer ta gauche, ça veut dire que tu peux développer ta droite. Si tu as pris l'habitude de manger toujours avec la gauche, d'écrire avec la gauche, de faire toutes tes choses avec la gauche, tu peux essayer de t'habituer à utiliser ta droite et ça va devenir naturel avec le temps. C'est une question aussi d'éducation et d'habitude. Donc, celui qui est gaucher doit s'habituer à perdre cette habitude-là. Et l'exemple du hadith de l'homme qui mangeait avec la gauche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mange avec ta droite. Il a dit, je peux pas. Il a dit, tu seras pas capable. Hein, il pouvait plus par la suite bouger sa main. Sa main est devenue paralysée. Hein? Donc c'est pour dire que c'est pas parce qu'il n'est pas capable, il veut pas faire l'effort, il veut pas se forcer à utiliser la droite, et en faisant ça il imite le shaitan, Allah musta'an. Donc le shaykh il dit, et donc le musulman il doit s'écarter d'utiliser la gauche pour manger, et il doit ne pas utiliser la gauche pour boire, et il utilise la droite pour toutes les bonnes choses, hein? Tandis que les choses qui sont détestables ou qui sont dégoûtantes ou qui sont mauvaises, il les fait avec la gauche, comme le nettoyage, et puis des choses comme ça. Et il utilise la droite pour les bonnes choses. Et donc, il y a une sagesse là-dedans. Alhamdulillah, il y a une grande sagesse là-dedans que seul le musulman peut comprendre. Tandis que les koufars, eux, ils n'ont pas ça nous montre en même temps comment notre religion, elle nous organise notre vie. Et elle distingue entre les bonnes choses et les mauvaises. Et elle désigne pour chaque chose une chose spécifique. Hein. Donc, tu ne vas pas manger avec la main que tu te nettoies avec. Quand tu vas aux toilettes, par exemple. Hein. Ça, c'est pas la propreté. C'est pas correct. Donc, il y a des règles vraiment bien établies par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette religion. Et si quelqu'un réfléchit sincèrement à ça, il voit que dans l'islam, il y a tout ce qu'il faut pour établir la vraie civilisation humaine. Hein? Malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas ou ne le savent pas. On va s'arrêter à ce point-ci, puis on va continuer la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.